Chercher la vie, oui. Détruire la vie, oui. Chercher la vie, oui. Détruire la vie, oui. Chercher la vie, oui. Détruire la vie, oui.